voiture verte est arrêtée à céder le passage. La voiture rouge est dans une voie de stockage pour tourner à gauche. Je suis sur l'axe prioritaire, c'est donc moi qui passe le premier. Mais cela ne doit pas m'empêcher de ralentir. Réponse C.